Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, inshallah, on va poursuivre l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam, qui est une des histoires les plus connues parmi les histoires des prophètes alayhi salatu wa salam. Et on a commencé hier, dans la nuit du 27 de Ramadan, à raconter son histoire. Et on va poursuivre, incha'Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahumma allimna ma jahilna. وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés à notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans nos actes d'adoration. Donc hier, pour résumer, on a raconté l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam lorsqu'il était enfant et qu'il avait atteint l'âge de 12 ans. Il avait fait un rêve. Il avait rêvé que le soleil, la lune et 11 étoiles s'étaient prosternées pour lui. Et quand il est parti raconter ce rêve à son père, le prophète Yaqub alayhi salam, son père a eu peur pour lui. Il a eu peur de la nuisance de ses grands frères qui étaient jaloux de lui. Alors il lui a dit de ne pas raconter ce rêve. Ce rêve a quand même été su par les grands frères de Yusuf qui ont augmenté en jalousie et qui ont voulu se débarrasser de lui pour que leur père, le prophète Yaqub, il soit plus attentif à eux. Et parce que les grands frères de Yusuf considéraient que Yaqub était préoccupé, ou il accordait plus d'attention à Yusuf et Binyamin, qui étaient les deux petits frères, et qu'il délaissait les autres, en tout cas qu'il ne leur accordait pas la même attention. Par jalousie, ils ont voulu se débarrasser de Yusuf alayhi salam. Certains ont voulu le tuer, mais d'autres ont dit non, on va pas le tuer, on va juste le jeter dans un puits et des gens de voyage le récupéreront et le prendront. Et c'est ce qui est arrivé. Quand des gens sont arrivés au niveau du puits où le prophète Yusuf alayhi salam a été jeté, ils l'ont pris. Et finalement, les frères de Yusuf sont arrivés pour dire « Oui, en fait, c'est notre esclave, on vous le vend, il s'est sauvé. » Alors, ils l'ont soi-disant vendu et le prophète Yusuf s'est retrouvé en Égypte, alors qu'il vivait à l'origine avec son père en Palestine. Arrivé en Égypte, il a été soi-disant vendu au vizir, au ministre, parce que Yusuf était extrêmement beau et donc il a plu. Et les enchères montaient et le vizir, Al-Aziz, il l'a pris pour un prix élevé, et il l'a montré à son épouse Zaliha, Imra'atul Aziz, la femme du vizir ou la femme du ministre. Le prophète Yusuf alayhi salam est resté pendant plusieurs années chez eux, et lorsqu'il a atteint l'âge de 17 ans et qu'il était extrêmement beau, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit sa beauté en disant innahu u'tiya shatr al-husni, c'est-à-dire qu'il lui a été accordé la moitié de la beauté qui existe dans ce bas monde. Le prophète Yusuf alayhi salam a plu à Zaliha, qui était la maîtresse de la maison, et elle a été éprise de lui, elle est tombée amoureuse du prophète Yusuf alayhi salam, et elle a voulu faire l'adultère avec lui. Yusuf alayhi salam a bien entendu refusé. Alors elle a insisté, il a refusé, il a essayé de partir, elle a essayé de l'attraper par derrière, elle a déchiré le vêtement de Yusuf par derrière, et là le mari de Zaliha est arrivé, et quand il a vu la scène, elle a essayé de s'innocenter et d'accuser Yusuf alayhi salam qui lui était réellement innocent, il n'a jamais voulu commettre la fornication. Mais quelqu'un qui était dans la famille de Zaliha, il a dit une phrase. Alors certains ont dit que c'était un bébé, d'autres ont dit que c'était un adulte. Il a dit une phrase et il a dit « Si le vêtement de Yusuf est déchiré par devant, alors c'est lui qui est véridique et c'est elle qui ment. » Je reprends. Il a dit, si le vêtement de Youssouf est déchiré par deux vents, alors c'est elle qui est véridique, quand elle accuse Youssouf d'avoir voulu la violer, et c'est lui qui ment. Par contre, si le vêtement de Youssouf est déchiré par derrière, alors c'est lui qui est véridique, et c'est elle qui ment. Parce que ça montre bien que Youssouf a voulu partir, et c'est elle qui a essayé de l'attraper. Donc, Youssouf alayhi salam a été innocenté, étant donné que son vêtement était déchiré par derrière. On a raconté également que les femmes de la ville, les femmes des militaires, les femmes qui avaient un haut statut dans la société se sont mis à parler et à dire « Oh, la femme du vizir, la femme du ministre, elle a été éprise pour son valet, pour celui qui était à son service dans sa maison. C'est un jeune de 17 ans, alors que elle, c'est une femme riche, belle, et elle est tombée amoureuse de son serviteur. » Et elle a voulu faire l'adultère avec lui, elle le désirait, donc elle le critiquait. Quand elle a entendu cela, Imra'atul Aziz, la femme du ministre, hein, Zaliha, elle les a invités et elle leur a tendu comme un piège en fait, elle leur a préparé quelque chose, elle leur a ramené des fruits qui avaient une peau qui était épaisse, donc le cédra, et elle leur a ramené des couteaux et elle leur a dit « bon, attendez avant de couper, attendez ». Et Youssouf, elle a appelé Youssouf, quand Youssouf alayhi salam est arrivé dans la pièce, tellement il était beau qu'elles ont été subjuguées par sa beauté, elles se sont mis à se couper les mains, sans même ressentir la douleur, tellement il était beau, tellement elles étaient prises par la beauté de Youssouf. Alors, la femme de Al-Aziz a dit, ben voilà, c'était cela, ce dont vous me critiquiez, et oui, effectivement, j'ai voulu faire l'adultère avec lui, et lui, il a refusé, mais je vais continuer à insister. Elle a continué à insister, et elle a dit, si il ne m'écoute pas et qu'il n'accepte pas que je fasse la fornication avec lui, alors je vais le punir et je vais l'envoyer en prison. Alors, ces femmes qui étaient avec elle au début, qui l'a critiquée, elles ont incité Youssouf à l'écouter. Elles se sont mises du côté de la femme de Al-Aziz. Youssouf a refusé, il a été envoyé en prison. Tout cela, je l'ai raconté hier, on fait un bref résumé. Arrivé en prison, il s'est retrouvé avec deux personnes qui étaient des valets du roi. L'un des deux était... il s'occupait de son pain et l'autre s'occupait de sa boisson. Les deux ont été envoyés en prison parce qu'il y avait un soupçon de coup d'état et la nourriture du roi avait été empoisonnée et donc le roi voulait savoir qu'est-ce qui s'était passé. En attendant, il les a envoyés les deux en prison. Et ces deux-là, quand ils ont vu le prophète Youssouf alayhi salam et sa sagesse et sa bonté, ils lui ont demandé de leur donner l'interprétation d'un rêve qu'ils avaient fait tous deux la même nuit. Et quand il leur a donné l'interprétation du rêve, il a dit que le boulanger, il allait se faire tuer, il allait être exécuté, et celui qui était au service du roi et qui s'occupait de sa boisson, il allait retrouver son poste. Et c'est ce qui est arrivé. Sauf qu'avant de partir, il a dit à celui qui allait être sauvé, il lui a dit, « Quand tu arriveras auprès du roi, de ton maître, parle-lui de moi. Dis-lui que j'ai été emprisonné injustement. » afin que je sois délivré et que je sorte de cette situation. Et c'est ici que nous étions arrivés, si je me souviens bien. Allah Ta'ala dit dans le Coran, « Wa qala lillazi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik » اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. C'est-à-dire, il a dit à celui des deux dont il pensait qu'il allait être délivré, parle-moi auprès de ton maître, c'est-à-dire auprès du roi. Sauf que le diable a fait oublier à cet homme-là le fait de rapporter l'histoire de Youssouf à son maître, au roi. Il a complètement oublié. Alors Youssouf, il s'est retrouvé bloqué en prison. Il y est resté plusieurs années. Et les savants ont dit qu'il y est resté 7 ans. 7 ans en prison. 7 ans plus tard, le roi a fait un rêve. Et il s'est réveillé tourmenté. Il a rêvé de 7 vaches qui étaient grasses et qui sortait du Nil, le fleuve en Égypte, qui est un des plus grands fleuves au monde, hein, le fleuve du Nil. Il a vu 7 vaches qui étaient grasses et qui sortaient du Nil, et juste après, il a vu 7 vaches qui étaient le contraire de grasses. Elles étaient faméliques, elles étaient toutes menues, toutes maigrichonnes, et elles se sont dirigées vers les 7 vaches qui étaient grasses, et elles les ont dévorées. Donc il s'est réveillé, il était en panique. Et yani, il était tourmenté. Et après, il s'est rendormi. Et quand il s'est rendormi, il a vu sept épis qui étaient verts, qui étaient pleins de grains. Et il a vu sept épis secs qui se sont rapprochés des épis qui étaient bien, qui étaient verts. Et les épis secs ont détruit les épis verts. Alors, il a là, il s'est réveillé encore une fois. Il était vraiment tourmenté. Et il a fait venir les gens les plus considérés au royaume, c'est des gens qui avaient de l'estime, qui avaient un certain statut, et il leur a expliqué ses rêves en espérant qu'ils en reçoivent la signification. Lui, il attendait l'interprétation des rêves. Et donc, il a appelé plein de gens et il leur a demandé, mais personne n'était capable de lui donner l'explication du rêve. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. C'est-à-dire que le roi, il a dit, j'ai vu en rêve sept vaches qui étaient grasses, qui ont été mangées par sept vaches qui étaient maigres. Et j'ai vu sept épis verts, et j'ai vu également sept épis qui étaient secs. Et il a dit, ô vous, les notables, donnez-moi une explication de mon rêve, donnez-moi l'interprétation du rêve. Et personne n'était capable de lui interpréter le rêve. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. Donc ils ont dit, ça c'est juste des rêves, c'est une khalouta de rêves, ça veut rien dire, et nous on n'est pas capable d'interpréter les rêves. Et c'est là que celui qui était au service du roi, qui s'occupait de sa boisson, il s'est rappelé du prophète Youssouf alayhi salam, celui qui avait été délivré de prison et qui était censé parler au roi de Youssouf. À ce moment-là, quand il fallait interpréter un rêve, il s'est rappelé de Youssouf alayhi salam, qui lui avait interprété son rêve et qui lui avait recommandé de parler au roi. Il lui avait demandé de parler au roi pour lui. Alors, cet homme, quand il s'est rappelé de Youssouf, il a dit, moi je connais quelqu'un qui est capable d'interpréter les rêves, et il a été envoyé pour voir Youssouf en prison. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. C'est-à-dire, celui des deux qui avait été délivré de la prison, 7 ans plus tôt, il a dit, après s'être rappelé, moi je vais vous ramener l'interprétation, envoyez-moi donc. Envoyez-moi où ? Bah, envoyez-moi en prison pour aller voir quelqu'un qui pourra me donner l'interprétation du rêve. Et quand il est parti voir Youssouf alayhi salam, Youssouf, il lui a fait l'interprétation du rêve. Il lui a demandé, il a dit ce qui est cité dans le Coran, يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Donc cet homme est parti voir Youssouf alayhi salam, il lui a dit, ô toi Youssouf le véridique, Youssouf ayyuha siddiq, parce que Youssouf était un prophète, tous les prophètes étaient véridiques, et donc il était connu pour cela, pour sa véracité. Il a dit, ô toi Joseph, Youssouf le véridique, éclaire-nous. Donc donne-moi l'explication de ce rêve dans lequel il a été vu sept vaches qui sont grasses, qui ont été mangées par sept vaches qui étaient très maigres, et sept épis verts, et les sept épis qui étaient secs et qui ont détruit les épis verts, afin que je puisse retourner voir les gens et leur donner l'interprétation du rêve. Youssouf alayhi salam, il lui a répondu. Il lui a dit, dis au roi, qu'il va y avoir 7 années d'abondance suivie de 7 années difficiles. Donc pendant 7 ans, vous allez avoir de la pluie, vous allez avoir de la végétation, des fruits, des légumes. Pendant 7 années, ça sera bien, vous allez être bien. Et après les 7 ans d'abondance, vous allez avoir 7 années difficiles. 7 années de sécheresse où il n'y aura plus de végétation. Vous allez plus réussir à faire pousser des épis, à faire pousser des graines, à faire pousser de la végétation et des légumes. Donc, il lui a donné ce rêve, il lui a expliqué ce rêve, et il a interprété les 7 vaches qui étaient grasses par 7 années de prospérité, et il a interprété les 7 vaches faméliques, les 7 vaches qui étaient très maigres, qui sont venues manger les 7 vaches grasses, il les a interprétées par 7 années de sécheresse et de famine. Et pareil pour les épis. Il a vu d'abord 7 épis qui étaient bien verts, et après il a vu 7 épis qui étaient complètement asséchés. Ça veut dire, les 7 premières années, vous allez avoir de la prospérité, les 7 années suivantes, il va y avoir la famine. Alors, l'homme qui a été envoyé voir Youssouf alayhi salam, il est retourné voir le roi. Et il lui a dit la réponse de Youssouf. Alors le roi, il lui a dit, retourne voir Youssouf et dis-lui comment on fait alors, régler ce problème-là. Et Youssouf alayhi salam, il a indiqué, quand l'autre est reparti voir Youssouf, il a indiqué ce qu'il devait faire pour s'en sortir pendant les 7 années de sécheresse. Allah Ta'ala dit dans le Coran, en attribuant la parole de Youssouf à Youssouf alayhi salam, قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. Donc il leur a dit, pendant les 7 premières années, vous allez semer énormément. Pendant 7 années consécutives, et tout ce que vous allez moissonner, vous le laissez dans son épi, sauf ce que vous avez besoin pour consommer, juste un peu. Vous prenez ce que vous avez besoin pour consommer, et le reste, vous le laissez dans son épi pour que la nourriture, pour que les épis, les graines, elles soient préservées. Et après cela, viendront les 7 années de disette, les 7 années de famine, et dedans, vous allez consommer tout ce que vous avez conservé dans les 7 premières années. Tout ce que vous avez conservé, c'est là où, quasiment, c'est là où vous consommerez cela. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Et après les 14 années, viendra un an où la pluie va tomber à nouveau et les gens vont être secourus et les gens pourront presser à nouveau tous leurs fruits, leurs légumes, les raisins pour faire du jus de raisin, les olives pour faire de l'huile d'olive, etc. Donc cette année de récolte, 7 années de disette et une année après où la pluie va revenir. Donc Youssouf alayhi salam, il a expliqué comment gérer la pénurie. Donc les 7 premières années, il devrait stocker le grain dans son épi, sauf ce qu'ils avaient besoin pour consommer, et les 7 années suivantes, ils allaient utiliser tout ce qui avait été conservé. Quand cet homme-là est retourné auprès du roi, après avoir écouté le prophète Youssouf alayhi salam, et il est retourné auprès du roi et lui a raconté ce que le prophète Youssouf alayhi salam lui a dit, le roi a senti dans son cœur que le prophète Youssouf alayhi salam était véridique. Il a ressenti, comme une sensation, un ressenti que Youssouf était juste et qu'il était véridique et qu'il avait des connaissances et qu'il était intelligent et qu'il avait de la clairvoyance et que son avis était éclairé. Et donc, il a dit quoi? Il a dit, faites-moi venir celui qui a interprété le rêve. Ça avait l'air très intelligent ce qu'il avait dit. Et donc, amenez-le-moi. Et Allah Ta'ala a dit dans le Coran, وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Donc quand le roi, ça c'est un verset du Coran qui explique que le roi a dit amenez-le-moi. Parce que Youssouf était encore en prison. Mais quand l'émissaire est arrivé auprès de Youssouf alayhi salam et lui a dit le roi te convoque, le roi t'appelle, Youssouf alayhi salam lui a dit retourne auprès de ton maître et demande-lui quelle était la raison qui a poussé les femmes à se couper les mains. Et mon Seigneur, il connaît bien leurs ruses. Ces femmes-là qui se sont coupées les mains. Dis à ton roi d'aller poser les questions à leur sujet. Pourquoi elles se sont coupées les mains et quelle est leur histoire? Pourquoi il a fait ça, Youssouf alayhi salam? Pour que son innocence, elle éclate au grand jour. Pour que ce pourquoi il a été sali soit lavé. Donc, quand le roi a demandé à ses conseillers d'appeler Youssouf alayhi salam parce qu'il le voulait en tant que conseiller, Youssouf qui était en prison, le roi il le voulait pour lui, il le voulait en tant que conseiller. Youssouf alayhi salam, il a refusé de sortir de la prison tant que il ne soit pas établi, tant qu'il n'était pas établi clairement pour tout le monde que il a été emprisonné injustement. Il était innocent. Et il voulait que le roi sache que le prophète Youssouf alayhi salam était innocent de ce que l'accusait l'épouse du ministre, l'épouse du vizir. Donc il ne voulait pas en fait que le roi il ait un doute sur lui, que le roi il le considère quand même coupable de certains actes. Il voulait, quand il va le rencontrer, le roi il est convaincu de son innocence. Alors, le messager du roi, il est retourné voir le roi et il lui a dit, Youssouf, il veut pas sortir de prison. D'abord, il te dit d'aller convoquer les femmes et d'aller voir c'est quoi leur histoire avec les mains. Et avec les mains qui ont été coupées. Et le roi, il a convoqué les femmes qui avaient coupé leurs mains quand elles avaient été invitées par Zalir. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Donc ce verset nous raconte ce qui est arrivé quand le roi a invité, il a convoqué ces femmes qui s'étaient coupées les mains. Alors qu'elles étaient, et il a invité également l'épouse du vizir, l'épouse du ministre. Et il a demandé qu'est-ce qui s'est passé? Et ces femmes, qu'est-ce qu'elles ont répondu à ce moment-là? Elles ont dit « Hasha lillahi ma alimna alayhi min su » Elles ont dit « On n'a jamais vu quelque chose de mauvais de la part de Youssouf ». Et elles ont fait savoir au roi que Youssouf, en réalité, était innocent des mensonges qui lui ont été, de ce qui lui a été collé sur le dos. Et elles ont avoué au roi que Youssouf, alayhi salam, a été calomnié. Il a été accusé calomnieusement et il a subi des mensonges, des calomnies. Et là, la femme du ministre, Zalira, quand elle a vu ce qui s'était passé, elle a reconnu. Elle a reconnu que c'est elle effectivement qui l'a fait emprisonner injustement. Pourquoi? Parce qu'elle voulait, elle ne voulait pas que se propage la nouvelle que elle a essayé de faire l'adultère avec son valet, avec celui qui était à son service, et donc elle a voulu coller ça sur le dos du prophète Youssouf alayhi salam. Et là, elle a reconnu sa culpabilité. 7 ans plus tard, après 7 ans de prison. Et elle a dit الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. C'est-à-dire, c'est maintenant que la vérité, elle éclate. Et je reconnais, c'est moi qui ai voulu faire tomber Youssouf dans la fornication. C'est moi qui ai voulu faire la fornication avec lui et l'adultère. Et c'est pas lui. Et lui, il fait partie des véridiques. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Et elle a dit, et je ne suis pas en train de m'innocenter. Elle reconnaît son erreur. Elle a dit, l'âme, elle est très incitatrice au mal. Et ça, c'est une réalité pour la plupart des gens. Inna nafsa la ammaratum bisu. L'âme, elle t'incite à faire des mauvaises actions. Sauf ceux pour qui Allah Ta'ala a préservé du péché. Et elle a dit, inna rabbi ghafurur rahim. Mon Seigneur est celui qui pardonne et qui est miséricordieux. Donc là, le roi, il a vu la vérité, il a entendu, il a été convaincu que Youssouf alayhi salam était innocent, qu'il avait été accusé injustement, et à partir de là, il a demandé encore une fois à ce que Youssouf alayhi salam lui soit apporté. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَقَالَ الْمَلِكُ أُتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. C'est-à-dire que le roi a dit encore une fois, amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. Il le voulait comme conseiller vraiment proche. Et quand ils lui ont parlé, ils ont amené Youssouf, le roi lui a dit, dans le sens, tu es aujourd'hui près de moi et tu es dans une position d'autorité et de confiance. Maintenant, je te donne une grande place et tu es quelqu'un de confiance pour moi. En fait, au moment de leur rencontre, le roi, il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, je te considère comme quelqu'un de confiance et tu auras un bon statut. Et il l'a fait s'asseoir sur son trône. Il l'a fait asseoir là où lui-même il s'asseyait et lui a dit, j'aimerais entendre de ta bouche le rêve que moi j'ai fait. Il a ressenti quelque chose de la part de Youssouf alayhi salam. Et donc il a dit à Youssouf, toi, parle-moi du rêve que moi j'ai fait. Et Allah Ta'ala a révélé au prophète Youssouf alayhi salam, il lui a accordé un miracle, et il a révélé, il a dévoilé au prophète Youssouf alayhi salam le rêve du roi en détail, et il lui a révélé également ce que le roi avait ressenti lorsqu'il a rêvé. Et il lui a raconté le rêve du roi. Ça veut dire que Youssouf a raconté au roi le rêve que le roi avait fait. Et il lui a dit, ô roi, tu as vu cette belle vache qui était blanche, qui était grasse, et elle sortait du Nil, le fleuve du Nil. Et quand elles s'éloignaient du rivage, elles se sont dirigées vers toi, elles se sont rapprochées de toi, et elles avaient les mamelles qui dégoulinaient de lait. Vraiment, elles étaient grasses et elles étaient pleines de lait. Et toi, tu les contemplais et tu les trouvais magnifiques. Après cela, le Nil, il s'est asséché, la terre a avalé son eau, et le lit du Nil, le lit du fleuve, il est apparu, il est devenu sec. Et là, il y a 7 vaches qui étaient maigres qui sont sorties. Elles avaient le ventre qui était creux et elles n'avaient même pas de mamelles, mais plutôt elles avaient des canines et des molaires. Et elles avaient des pattes comme les pattes des chiens. Et elles avaient des trompes comme les trompes des éléphants. Donc des vaches, bon c'était un rêve, hein, mais c'était des vaches qui étaient différentes des vaches habituelles. Et quand ces vaches-là se sont rapprochées des premières vaches, elles ont dévoré, comme des fauves, elles ont dévoré les 7 premières vaches. Comme un fauve qui va dévorer sa proie. Elles ont déchiqueté leur peau, elles ont mangé leur chair et elles ont brisé leurs os. Et quand tu as vu ce rêve, tu t'es exclamé, tu t'es demandé comment des vaches aussi maigres peuvent prendre le dessus sur des vaches aussi grosses et aussi grasses et comment elles ont pu les dévorer. Après, tu as vu 7 épis qui étaient tendres et qui étaient humides et ils étaient gorgés d'eau et ils poussaient au même endroit que 7 autres épis qui eux-mêmes étaient desséchés et ils étaient noircis. Et donc tu t'es demandé comment ça se fait que des épis qui était bien frais, qui était vert, qui était plein de grains, il soit alimenté par la même eau que des épis qui étaient complètement secs. C'est la même eau qui les alimente et pourtant ils sont si différents. Ils sont vraiment, il y a un grand contraste. Et alors, les beaux épis ont été comme brûlés par le feu et ils sont devenus noirs, avec de la poussière. Et c'est là où tu t'es réveillé. Et là, le roi, il était choqué. Parce que il lui a dit, non seulement le rêve que j'ai fait est étonnant, mais le fait de l'entendre avec autant de précision de ta bouche, c'est encore plus étonnant. Alors, dis-moi ce que tu en penses. Et là, Youssouf alayhi salam, il lui a réexpliqué ce qu'il devait faire pour être sauvé pendant les 7 années de famine. Et il a dit, je pense, que ce que tu dois faire, c'est mettre en culture beaucoup de terre pendant les 7 premières années qui sont des années d'abondance. Et il lui a dit, tu les fais semer partout, même sur des rochers. Allah va les faire pousser. Allah va faire pousser même sur des rochers, même sur de l'argile. Allah Ta'ala, il fera pousser des plantes et Inch'Allah, il y aura beaucoup de bénédictions. Et il faut que tu fasses construire des endroits de stockage pour que tu stockes tout ce qui a été récolté de la plantation, hein, des plantations pendant les 7 premières années, sauf ce dont on a besoin pour manger durant les premières années. Mais vraiment, on prend le strict minimum pour être sauvé dans les 7 années suivantes. Et lui a dit, il faut que tu ordonnes à ton peuple d'amener 1/5 de tout ce qu'ils vont récolter dans les lieux de stockage, et il faut que ta capacité de stockage elle soit suffisamment grande pour tout le peuple d'Égypte et même pour les contrées avoisinantes, parce que la famine elle ne va pas s'attaquer uniquement en Égypte, mais elle va aller même dans les autres régions. Et les gens, ils vont venir de loin pour t'acheter des vivres, et toi tu vas devenir riche. Parce que de toutes les contrées, les gens ils vont venir acheter la nourriture dans ton pays. Parce que toi, tu auras fait cette démarche-là de stocker les aliments. Alors le roi, quand il a entendu tout cela, il lui a dit, mais si je fais cela, qui va être apte à gérer tout ce trésor? Si moi je récupère toutes ces richesses d'Égypte et que tout le peuple d'Égypte me ramène à chaque fois, ils gardent 1/5, ils me ramènent 4/5 de leur culture. Mais à qui je vais confier cette responsabilité de s'occuper de toutes ces richesses, de s'occuper des vivres? Et là le prophète Youssouf alayhi salam, il lui a dit, à moi. Confie-moi cette responsabilité. Moi, je vais m'en acquitter. Moi, je vais être honnête. Et moi, je ne vais pas tricher, je ne vais pas voler. Allah Ta'ala dit dans le Coran, قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. Il rapporte la parole de Youssouf alayhi salam qui lui a dit, assigne-moi les dépôts du territoire. Ça veut dire, donne-moi, mets-moi en charge de m'occuper justement de tous ces espaces de stockage de nourriture, cette trésorerie, tous ces aliments qui vont être nécessaires pour les 7 futures années, après les 7 premières, laisse-moi moi m'en occuper. Et il lui a dit, inni hafizun alim, je suis un bon gardien et je suis un connaisseur. Et le roi, bien entendu, il avait confiance au prophète Youssouf alayhi salam et il a accepté. Et donc il a démis le vizir, le ministre de ses fonctions, et il a donné cette fonction-là au prophète Youssouf alayhi salam. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ. C'est-à-dire que nous avons ainsi donné à Youssouf une grande autorité. Rappelez-vous qu'il était considéré par les gens comme un esclave. Après, il s'est retrouvé en prison. Tout cela après avoir été jeté dans un puits par ses propres frères. Et là, il se retrouve à avoir une des plus hautes places dans le gouvernement d'Égypte. C'est lui qui s'occupe de la trésorerie, c'est lui qui s'occupe des finances en fait, de tous les dépôts de nourriture qui sont la base. Donc, Allah Ta'ala dit dans le Coran, « Nusibu bi rahmatina man nasha ». Allah Ta'ala dit dans le sens que nous accordons notre miséricorde à qui nous voulons. Allah accorde sa miséricorde à qui il veut. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Et celui qui accomplit le bien, Allah fait que le bien qu'il a accompli ne soit pas perdu. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Mais la récompense dans l'au-delà, elle est encore meilleure pour ceux qui ont cru en Allah et pour ceux qui ont fait preuve de piété. Subhanallah. Même dans les récits, même dans les histoires, Allah Ta'ala nous fait le rappel que ce qui compte, c'est quoi? C'est croire en Dieu et faire preuve de piété. C'est ça notre objectif. C'est ça ce que nous devons mettre en face de nos yeux comme objectif primordial, comme étant l'ultime objectif. Mourir croyant et mourir sur la piété, c'est-à-dire en ayant accompli les devoirs et en ayant évité les interdits. En plein milieu d'une histoire, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait ce rappel. Et donc, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé à Yusuf alayhi salam une position qui était forte, et que le roi, il l'a désigné comme trésorier, alors le prophète Yusuf alayhi salam, il en a profité pour faire quoi? À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la da'wa. Il a appelé les gens à l'islam. Il a invité les Égyptiens avec une grande sagesse qu'il avait, puisque tous les prophètes étaient dotés d'une immense sagesse et d'une immense douceur. Il a invité les Égyptiens à l'islam, à croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a appelé à adorer Dieu uniquement et à ne rien lui associer. Il leur a dit, il leur a expliqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le seul qui méritait la divinité, qui méritait l'adoration, et que nul autre qu'Allah ne crée quoi que ce soit, et que seul Allah crée le profit et la nuisance. Et il y en a qui ont cru en lui et qui ont embrassé l'islam, et il y en a qui n'ont pas cru en lui. Et tout ce que le prophète Yusuf alayhi salam avait dit au roi est arrivé comme le prophète l'avait annoncé, comme le prophète Yusuf alayhi salam l'avait dit. Yani, les 7 premières années, il y a eu beaucoup d'abondance, il y a eu une abondance de nourriture, et donc ils ont construit des grands lieux de stockage et ils ont planté, ils ont fait planter beaucoup. La récolte, elle était exceptionnelle, elle a été stockée, et c'est ainsi que ils ont fait pendant les 7 premières années. Et après, les temps difficiles que le prophète Yusuf alayhi salam avait annoncé, ils sont arrivés comme prévu. Et donc, le prophète Yusuf alayhi salam, il s'est lui-même, à la place qu'il occupait, hein, le trésorier de l'Égypte, il s'est adressé aux Égyptiens et il leur a dit, à partir de maintenant, ce n'est même plus la peine de semer un seul grain, ce serait du gâchis. N'allez même pas semer, là c'est la disette, c'est la famine, c'est la sécheresse, ça n'est même pas la peine de semer maintenant puisque rien ne va pousser pendant les 7 prochaines années. Et là, pendant la première année calamiteuse, la première année difficile, les gens, ils ont consommé ce que ils avaient stocké chez eux. Et après, ils se sont mis à acheter les vivres qui étaient emmagasinés, qui étaient stockés par le prophète Yusuf alayhi salam. Et donc, la première année, ils ont payé la nourriture avec ce qu'ils avaient comme monnaie, avec leur dinar, leur pièce d'or, leur dirham, leur pièce d'argent. Et tout l'or et l'argent s'est retrouvé dans les caisses du prophète Yusuf alayhi salam, puisque lui, il leur ramenait la nourriture, et eux, ben, ils payaient la nourriture avec l'or et l'argent, et donc la trésorerie du pays, elle s'est retrouvée abondante. La deuxième année, les gens, ils n'avaient plus d'or et d'argent. Alors, ils ont acheté le grain, ils ont acheté la nourriture contre leurs bijoux, contre leurs pierres précieuses, jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus rien de leurs bijoux et leurs pierres précieuses. Donc, Yusuf alayhi salam, il s'est retrouvé avec l'or du pays, l'argent du pays et les pierres précieuses et les bijoux du pays. La troisième année, alors que les gens n'avaient plus de pierres précieuses, ils ont acheté le grain, ils ont acheté la nourriture contre leur bétail, jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus d'animal. Et donc tout cela était devenu la propriété de l'intendant d'Égypte, du trésorier d'Égypte. C'est Yusuf alayhi salam qui gérait tout cela. C'est lui qui était en charge de l'or, l'argent, le bétail, les pierres précieuses, les bijoux. Et il était honnête alayhi salatu wassalam. La quatrième année de disette, le prophète Yusuf alayhi salam, il leur a vendu les grains contre leurs esclaves, la nourriture contre les esclaves. Et donc les gens ont acheté la nourriture contre tous leurs esclaves. Et la cinquième année, contre leurs biens immobiliers, leurs maisons, leurs terrains. Et les gens, ils étaient contents, parce que sans Yusuf alayhi salam, ils seraient morts de faim. Ils seraient morts de faim. C'est Yusuf alayhi salam qui les a sauvés, qui leur a tous sauvé la vie pendant 7 ans. Comment ils auraient fait? Donc les gens, ils disaient « Wallah, nous n'avons pas eu quelqu'un de plus glorieux et de meilleur que Yusuf alayhi salam. » Mais comme la famine, elle n'a pas touché que l'Égypte, elle a touché également les contrées lointaines. Et parmi ces contrées, qu'est-ce qu'elle a touché? Elle a touché la Palestine. Et en Palestine, il y avait qui? Il y avait le prophète Yaqub alayhi salam et ses enfants, les frères du prophète Youssouf alayhi salam. Parmi eux, Binyamin, mais parmi eux également, les autres frères, ceux qui avaient été si injustes et si mauvais à l'égard de leurs propres frères, à l'égard de Youssouf alayhi salam. Et la réputation du prophète Youssouf, elle s'était propagée. Parce qu'il était juste, parce qu'il gérait le pays avec équité, parce qu'il était clément, parce qu'il était doux, c'était un prophète. Alors, le prophète Yaqub alayhi salam, quand il a entendu parler de Youssouf, il ne savait pas que c'était lui. Il a dit à ses enfants, j'ai appris qu'il y a un homme vertueux en Égypte, et c'est lui qui propage la nourriture, hein. Alors allez le voir et passez-lui mon salam. Et ses enfants, ils se sont donc mis en route pour l'Égypte et ils avaient avec eux des chameaux, ils avaient avec eux des ânes. Pourquoi ? Pour remplir les chameaux et les ânes de vivres, parce qu'ils n'avaient rien en Palestine. Donc ils sont partis en Égypte pour acheter de la nourriture et ils ont pris plein de chameaux et d'ânes. Chacun il avait son chameau pour pouvoir remplir le chameau, pour pouvoir mettre toute la nourriture, tous les vivres pour l'année sur les chameaux, afin de pouvoir survivre à cette famine. Et ils ont emmené avec eux aussi de l'argent pour pouvoir acheter la nourriture auprès de l'intendant d'Égypte, auprès du trésorier, du vizir, du ministre de l'Égypte. Et quand ils sont arrivés en Égypte, ils étaient les 10 et il n'y avait pas Binyamin avec eux. Pourquoi il n'y avait pas Binyamin avec eux? Parce que le prophète Yaqub alayhi salam, il était très attaché au prophète. Il était très attaché à son fils Binyamin, qui était le frère de Youssouf, du même père et de même mère. Les autres frères, ils avaient le même père, hein, qui était Yaqub, mais ils avaient des mères différentes. Et Yaqub, qui était extrêmement triste d'avoir perdu son fils Youssouf, il était très attaché à Binyamin et il ne voulait pas que Binyamin ne le quitte. Il ne voulait pas se séparer de lui. Et donc, il a gardé Binyamin avec lui et il a envoyé les 10 autres enfants pour aller récupérer de la nourriture. Et Allah Ta'ala a dit dans le Coran, « وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفْ » Et les frères de Youssouf sont arrivés. « فَدَخَلُوا عَلَيْهِ » Et ils sont arrivés et ils sont entrés à l'endroit où il y avait leur frère, à l'endroit où il y avait Youssouf. D'un côté, les frères qui l'ont jeté dans le puits, et de l'autre côté, Youssouf, qui a survécu au puits et qui a survécu à toutes ces épreuves. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est ce qu'on verra, Inch'Allah, demain. Et le cours est fini. Wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Je rappelle au nouveau parmi vous que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours par WhatsApp à l'islam.simplement@gmail.com. L'islam sans apostrophe, .simplement@gmail.com. Comme ça, vous recevrez les liens des cours, Inch'Allah, directement par WhatsApp. N'hésitez pas à partager ces cours-là et surtout les cours sur la croyance. Les histoires, c'est bien, c'est beau, c'est captivant. Ça nous donne envie d'en apprendre encore plus sur nos prophètes, sur les prophètes, alayhimu salatu wassalam. Mais le plus important, c'est d'avoir la foi. Comme cela nous est rappelé à plusieurs reprises dans le Coran. Et la foi, la croyance musulmane, c'est ce que l'on explique dans les cours du lundi, dans la playlist qui s'intitule « La croyance musulmane ». Donc n'hésitez pas à écouter les cours du chapitre « La croyance musulmane ». Barakallahu fikum. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, ce soir pour un autre cours. Ça ne sera pas sur le prophète Youssouf ce soir. On reprendra sur le prophète Youssouf alayhi salam demain. Bien que d'habitude le lundi, on fait toujours cours sur la croyance, mais là c'est pour finir l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam avant la fin du mois de Ramadan, Inch'Allah ta'ala. D'accord ? Barakallahu fikum. Donc à ce soir vers 23h, 23h15, 23h30, on vous enverra le lien, Inch'Allah, ou pas. Donc soyez à l'affût. Et à demain également. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.